Leçon 3. Activité 2 et 3. Page 98. Piste 76. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider ? Bonjour madame. Je voudrais une casquette, s'il vous plaît. Tu veux une casquette de quelle couleur ? J'adore le noir. Regarde cette casquette bleue. Tu aimes ? Oui, ça me plaît aussi. Combien coûte cette casquette ? 15 euros. Voici un billet de 10 et un billet de 5. Ça fait 15 euros.